Tristesse de la lune de Les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Ce soir, la lune rêve avec plus de paresse, ainsi qu'une beauté sur de nombreux coussins qui, d'une main distraite et légère, caresse, avant de s'endormir, le contour de ses seins. Sur le dos satiné des molles avalanches, mourante, elle se livre aux longues pâmoisons et promène ses yeux sur les visions blanches qui montent dans l'azur comme des floraisons. Quand parfois sur ce globe, en sa langueur oisive, elle laisse filer une larme furtive, un poète pieux, ennemi du sommeil, dans le creux de sa main prend cette larme pâle, aux reflets irisés comme un fragment d'opale, et la met dans son cœur, loin des yeux du soleil. Fin de Tristesse de la lune.